On va parler des Jaguars de Dolbeau-Missassini. C'est la dernière chronique des Jaguars cette année. Les Jaguars qui ont mis fin à leur série, leur saison plutôt en fin de semaine. On en parle avec l'instructeur chef Steven Girard. Salut Steven! Bonjour. Steven, avant de faire le bilan de tout ça cette année, comment tu entrevois ça l'an prochain, on va faire un peu le bilan de ou encore le match de la semaine passée. Défaite de 47 à 0. Oui, défaite de 47 à 0. Un gros défaite de 47 à 0. Je vais expliquer ça par le point de vue de préparation et l'éthique de travail. C'est pas plus compliqué que ça. Là. Les jeunes depuis qu'on est éliminé des séries, les jeunes ils ont plus ou moins l'intérêt à venir pratiquer, à venir jouer les matchs qui restent. Okay. Donc j'ai eu de la difficulté avec mes pratiques cette semaine. Il y en a qui sont pas venus jouer non plus samedi, fait que ça a été un petit peu plus difficile de ce côté-là. Donc c'est ça le côté l'éthique de travail, ce que j'ai toujours misé pour chacune de mes équipes à toutes les années là. Ça a pris le bord. Est-ce que les joueurs, quand les joueurs se présentent pas comme ça, t'as-tu beaucoup de réserves? Oui. Okay. Sauf que c'est sûr que je suis obligé là de placer des jeunes qui ont peu d'expérience dans des positions qui sont pas naturelles pour eux. Fait que c'est sûr qu'on peut pas entrevoir un bon résultat au bout de la ligne avec ça en partant, là, mais c'est vraiment là. J'ai mélangé la recette un petit peu, comme je pourrais dire, en essayant de ça passe le mieux possible, mais OK. Donc la saison s'est terminée. Est-ce qu'on peut dire que c'est une saison quand même assez difficile dans l'ensemble? Oui, très difficile. Je dirais que ça fait 14 saisons que j'entraîne le football. Je pense que c'est ma plus difficile dans les 14. OK. Je pensais pas que ça allait être à ce point de vue-là. C'est sûr que les blessures au début d'année m'ont fait grandement mal sur ma ligne offensive et défensive, d'où part le football justement. Oui. Fait que ça a donné un dur coup à l'équipe. Puis suite à ça, ben l'intérêt des jeunes a commencé à diminuer de plus en plus. Fait que on essaie de tenir le fort le plus longtemps possible, mais ça reste que c'est les jeunes qui mettent le fort puis qui ont rendu là. On peut pas faire grand chose plus que comme que nous donner à 100% les coachs, même s'il y avait le meilleur coach au monde. Ben ouais. Si l'intérêt est pas là, c'est quand ça domine. Même Bill Belichick ne ferait pas grand chose là-dedans. Fait que donc quelque part. Hey, comment tu entrevois ça la prochaine saison? Parce que je pense, de mémoire, est-ce que tu coaches encore les Carcajou de l'École secondaire des Chutes aussi? Oui. Donc oui, à toutes les années. OK. Aussi, oui. Donc les prochaines années à Dolbeau, au niveau football scolaire, ça dit quoi, là? Parce que tes voix venir, tu diriges des Carcajou printemps. Les Carcajou sont faites, en fait, un peu pour justement préparer les Jaguars. Ça s'enligne comment les prochaines années pour le football scolaire à Dolbeau-Missassini? Normalement, je vois à quoi ça s'enligne. J'ai quelques vétérans qui vont revenir. Okay. Mais contrairement à beaucoup d'autres années, j'ai pas des vétérans de haut niveau. Okay. Avec des super qualités athlétiques, moi. Okay. Fait que je pense qu'on peut être embarqué dans un petit creux de vague. Mais ça a toutes les années, j'arrive avec les Carcajou, puis il y en a qui s'inscrivent, puis que j'attendais pas du tout, puis ça change le visage de l'équipe. Okay. Donc, avant de me prononcer là-dessus, là, je pense que je vais m'attendre vraiment là, commencer de voir à quelle clientèle m'avoir affaire là, à son air des chutes. Donc, OK, mais les inscriptions, ça va quand même pas si pire de ce côté-là? Oui, il n'y a pas de problème. À toutes les années, là, on a une trentaine, 30, 35 noms toujours. OK. Normalement, il n'y aura pas de problème encore. OK. Donc, ça se termine à quelque part présentement. Es-tu dessus quand même, d'au moins, pas, de ne pas faire une ronde? C'est sûr que j'aurais aimé ça d'en faire une, mais comme je dis aux jeunes, mon but, c'est pas de gagner à tout ouais. prix à ce niveau-là. C'est juste de faire des meilleurs individus puis les accrocher à un sport là pour qu'ils puissent grandir à travers ça avec les valeurs qu'on véhicule. Mais je sais qu'on peut pas être les meilleurs à toutes les années. Là. Les quatre dernières années, on était en finale autant Carcajou que Jaguar. Fait que c'est sûr qu'à un moment donné, j'allais m'attendre à un creux de vague qui est tombé cette année. C'est pas plus grave que ça. Là. Okay, okay. On va s'en parler prochainement. Ben Steven, il me reste à te remercier pour évidemment ta collaboration tous les mercredis. On va être là encore l'an prochain pour te suivre. On est là pour ça, les organismes de sport et les équipes de sport qui nous représentent bien. Fait que ça me fait plaisir et on s'en reparle l'an prochain. Parfait, voilà, l'instructeur chef des Jaguars de Dolbeau-Missassini, Steven Girard.